Le séminaire politique des sciences entame aujourd'hui sa troisième année d'existence. Il se veut être un observatoire engagé des pratiques et des dérives de l'esprit gestionnaire appliqué aux services publics que sont entre autres l'enseignement, la recherche, la santé, pour ne citer que les trois domaines qui seront abordés au cours de ce premier trimestre et dont vous aurez les détails toujours sur le site. Pour cette première séance, il nous a semblé judicieux de nous interroger sur le devenir de l'enseignement supérieur en France. Nous avons choisi de le faire sous deux angles complémentaires qui concernent d'une part la place qui peut être celle de l'université dans le dispositif d'enseignement supérieur, en prenant en compte les aspects problématiques que les réformes en cours n'abordent pas ou qui le font insuffisamment. Ces questions délaissées sont autant de voies permettant de concevoir une réforme alternative d'ensemble cohérente, éventuellement. De l'autre, il s'agit de s'interroger sur la place réservée à la communauté universitaire au sens large dans ce processus. Cette interrogation est légitime si l'on considère que cette réforme, par bien des côtés, malmène les principes et valeurs de l'université, que ce soit au regard de la production et transmission du savoir, de son mode d'organisation collégiale ou de la liberté académique, tout en exigeant de ses institutions et de ses membres une adhésion sous contrainte à la modernisation sans concertation ni débat que mènent ses promoteurs. L'examen de la place et du rôle des différents niveaux de formation et types d'établissements qui composent le paysage de l'enseignement supérieur suppose de prendre en compte les missions qui sont les leurs et les moyens effectifs et très inégaux dont ils disposent pour les remplir. C'est la raison pour laquelle nous avons invité François Vatin, engagé dans une réflexion de fond avec un groupe de collègues connus sous le nom de refondateurs, dont font partie notamment Stéphane Beau, Alain Caillé, Marcel... Olivier Beau. Un autre. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, l'essentiel, c'est que vous ne soyez pas Alain Caillé, Marcel Gaucher, et portant sur la manière de résoudre le problème singulier que pose la séparation de l'enseignement supérieur en deux mondes, une disjonction fondée sur le fait qu'une partie de celui-ci sélectionne ses étudiants à l'entrée, l'enseignement supérieur non universitaire, tandis que l'autre, l'université, est en principe dans l'impossibilité de choisir ses étudiants et laisse en quelque sorte s'opérer la sélection naturelle parmi ses effectifs étudiantins. Ce qui se solde par l'immense gâchis des sorties de l'université sans diplôme, dont la dénonciation est devenue un lieu commun. Un gâchis dont la responsabilité est couramment imputée à la seule université et à ses personnels enseignants-chercheurs qui n'en peuvent mais. Précisément, il revient à la communauté académique d'assumer les effets de la situation asymétrique de l'université face à ses concurrents. Une compétition dont il résulte un brouillage des frontières, dont parle Annie Vinocur, notre seconde invitée, dans l'un de ses textes récents pour désigner le processus d'indifférenciation croissante entre les différentes formes d'enseignement supérieur. Ce qui se traduit potentiellement par l'affaiblissement de l'enseignement en lien avec la recherche face aux impératifs de l'enseignement soumis à la finalité professionnelle, étroitement entendue, de la formation dispensée. Un tel glissement pourrait être facilité par ce que le discours public a appelé l'autonomie des universités, donnant aux équipes de direction de ces établissements de plus amples pouvoirs en matière de gestion des ressources financières et humaines, en vue de favoriser une plus grande adaptativité aux besoins de l'environnement et à la demande sociale en matière de formation. Classiquement comprise, l'autonomie est censée garantir à l'université et aux universitaires, entendus comme corps constitué, la relative indépendance à l'égard des pouvoirs politiques et économiques qui est nécessaire pour produire et transmettre ce bien commun qui est un savoir disciplinaire désintéressé. En quoi l'acception gestionnaire de l'autonomie se distingue-t-elle de cette conception ? C'est une question qu'Annie Vinocur abordera dans le cadre de cette séance. S'il s'avère qu'il y a incompatibilité entre ces deux visions de l'autonomie au bénéfice de sa variante gestionnaire, alors on peut logiquement en déduire que l'hétéronomie menace le milieu académique dans une organisation mise au service de donneurs d'ordre extérieurs. Or, les transformations structurelles en cours qui affectent l'université et concernent notamment le mode de gouvernement se retrouvent également à l'œuvre dans le cadre de l'organisation de la recherche via la mise en place prochaine des LABEX, le fameux laboratoire d'excellence, qui est un thème dont traitera la séance du 25 novembre. Et en attendant, et sans plus tarder, je cède la parole à notre premier invité, François Vatin.